enough respect to all the massive normal. Yeah. FLX on the MIC. Ja! Sur ce fond qui vit, ouais. J'ai tant meurt d'envie. Sexy girl, bouge dans ton body. Sur un air de X, j'en connais parti. Tonight girl, bouge ton body. Si tu veux du sexe, pas de stress, you know me. Tout sur le microphone, X ma célébrité. Si la c'est high, donc j'amène ma prophétie. Bouge, bouge, bouge, la gueule, car nous sommes au paquet. Sur la piste, tu seras pas seul, mes gars sont là pour voter. SCP ne sois pas sûr, car tonight, puis c'est chaud. SCP ne sois pas sûr, car tonight, on fait chaud. Hey girl, you can call me dans la dancehall. Fais-nous plaisir, bouge ton bikini. Hey girl, you can call me dans ma dancehall. Fais-nous plaisir, bouge ton bikini. Girl, bouge dans ton body. Sur ce fond qui vit, ouais. J'ai tant meurt d'envie. Ouais. J'ai tant meurt d'envie.